Je vais vous présenter maintenant quelqu'un qui lui aussi est inquiétant par certains travers. Je vous demande d'accueillir Guillermo Guiz. Ah. Ça va les amigos ? Ouais. Alors je vais à nouveau parler cinéma ce matin avec cette question. Peut-on accepter tous les comportements dans une salle de cinéma? Et vous inquiétez pas Daniel, il ne s'agit pas ici de ce que vous savez. D'accord, ok. Ce que vous savez, ça reste entre nous. S'il vous plaît. Et la justice de France et la personne qui a dû nettoyer la salle 4 de l'UGC Cinécité. En même temps, j'ai toujours quand les gens vous voient arriver dans un lieu public, ils doivent savoir. Hein. Bref, figurez-vous que dimanche soir, je me suis enfin décidé à aller voir Parasite, la dernière Palme d'Or. Je voulais tellement pouvoir prendre la parole dans un dîner pour pouvoir dire non mais moi, mais Bong Joon-ho, mais moi, mais pour moi, mais pour moi. Bref, j'arrive au cinéma et je m'assois seul parce que ma meuf était deux rangées plus loin avec un autre mec qu'elle avait rencontré pendant qu'on achetait du popcorn. Ah, ça a direct cliqué entre eux. Et donc je m'assois seul et il y a un grand type à capuche qui vient de près de moi et qui me dit « Est-ce que le siège à côté de vous est disponible ?» Il y avait plein d'autres places de libre dans la salle. Je me dis « Bon, c'est normal, j'ai un charisme. » Parfois, les gens m'arrêtent dans la rue et me disent « Ernesto, est-ce qu'on peut sentir ton odeur ?» Je suis là, pas plus de 4 minutes et tout, puis je laisse renifler un peu mon cou. Bah, ce garçon, il a envie de s'asseoir à côté de mon aura. Je me dis « Voilà, qui suis-je pour leur refuser ce petit plaisir ?» Et donc, le mec s'assoit et pendant les pubs, il sort un sachet en plastique de son sac à dos. Il commence à piocher dedans pour manger. Et je me dis « Le bâtard !» Il a amené ses propres pop-corn au cinéma. Moi, je les avais achetés à l'UGC avec un Fanta et des bonbons, 186 €. Vraiment, là, je m'étais assis tant bien que mal avec ma coulure de l'anus. Et lui, je me dis, il a tout ramené de l'extérieur. Je me dis, ça, c'est un résistant. Ça, c'est Raymond Aubrac. J'y prends ça, UGC, tu pourras pas tout snooken, tu vois. Sauf que là, même si on est dans la pénombre, je suis quand même intrigué par la couleur de ces popcorns. Et après un temps de réflexion, je me dis, tiens, c'est marrant, parce que ça, finalement, on aurait quand même vachement un paquet de salade. Vous voyez le paquet de salade qu'il est coutume chez Sapiens Sapiens de verser au hasard dans un saladier, avec au hasard une vinaigrette. Je me dis, ok, bon, admettons, ce garçon aime la salade, il kiffe l'iceberg, voilà, chacun son délire, quoi. Peut-être il est végétarien. Et on salue justement Nagui qui est en vacances avec Xavier Dupont de Ligonnès. Quand on va pas savoir où ils sont encore fourrés. Dans un potager. Sauf que Raymond Aubrac qui s'arrête pas à la salade. Il sort une barquette de genre 250 grammes de viande hachée. Non. Il retire le film plastique. Là je me dis ah non Raymond, ah non. Eh bien si, si, on est en pleine pub Dior et à côté de moi, dans une salle de cinéma du Monde Libre, j'ai un mec qui mange de la viande crue à la main, comme pendant le paléolithique. Et non seulement il mange de la viande crue, mais il lèche ses doigts comme si c'était le Mr Freeze. À ce stade-là, j'ai envie de crever dans un mi-cuit. Je me dis Ernesto, fils d'un scout et d'une poêle anti-adhésive, change de place immédiatement, c'est pas possible. Et je me dis, s'il continue à sucer ses doigts à 40 cm de mon hypothalamus, je vais vomir du Fanta dans l'encolure de la personne devant, quoi. Donc si encore c'était le mec qui avait sa langue dans l'oreille de ma meuf, ça irait, tu vois. Donc surtout là, j'avais envie de voir Parasite en plus dans des bonnes conditions. Tout le monde m'en avait dit du bien, vraiment, sauf Leïla. Leïla, elle m'a dit Parasite, c'est une merde, mais comme tout le cinéma vrai. Asiatique d'ailleurs, franchement. D'habitude, je fais assez confiance à Leïla sur le cinéma, vu qu'elle connaît personnellement quelqu'un qui connaît personnellement quelqu'un qui a connu Pierre Mondi. Et donc je me dis, mais voilà, Parasite. Tout le monde était unanime, donc j'ai voulu changer de place, mais en même temps, j'étais curieux. Je me dis, s'il mange de la viande crue pendant les pubs, que nous réserve-t-il pendant le film? Est-ce qu'il va sortir un réchaud? Si oui, que va-t-il préparer? Qui est un risotto? Qui est une choucroute? Et en vrai, s'il s'en est tenu à son bœuf cet été, son attitude, elle pose quand même une question. Que fait un jeune homme seul avec son dîner chelou devant Parasite un dimanche soir en 2019? Est-ce que ça dit pas finalement beaucoup de la société dans laquelle on vit? Non, hein? Non. Mais ça me donnait une chute. Bravo Guillermo. La bande originale sur France Inter.